suggéré dans les fins fonds de l'inconscient, somnambulo cannibalopathe qui s'ignore et pourtant me voilà pris une fringale, mais pas pour une tartine de beurre, pour me sustenter qu'elle régale. Ma petite sœur, ma tendre petite sœur, elle a l'air bonne. Ma tendre petite sœur. Dans un profond sommeil, je me dirige vers la cuisine, me munis d'un couteau bien aiguisé, d'une planche, d'une serpillière et puis d'un seau pour le cas où ça dégouline. Même si j'égorge ma petite sœur, faut pas tâcher sa couette blanche, sinon mes parents vont me disputer. Elle a peine bougé quand j'ai tranché sa carotide. Par contre, elle pisse le sang et ça c'est bien embêtant. La cochonne se répand et plus elle bouge, plus elle se vide. Je ne savais pas qu'un si petit corps pouvait en contenir autant. Du sang, sanglante petite sœur, tendre petite sœur, tout ensanglantée. Je lui dévore les yeux, la langue et puis le foie. Je libère ses hamsters pour qu'il profite de la curée. J'ai beau être gourmand, je la finirai pas en une fois. Je n'ai pas d'autre solution que de la découper. Ma tendre petite sœur, pour la conserver. Tendre petite sœur. Avec une noisette de beurre, des frites.